concert. Et messieurs dames, approchez-vous de notre cabaret. Ça va vous changer d'atmosphère. Au bazar de luxe tu te perds. Soyez les bienvenus, fidèles et infidèles. Ce sont les filles qui vont faire jaser. Et la musique te fera jaser. Au bazar de luxe viens danser. Faites comme chez vous dans notre cabaret. Tous les soirs une nouvelle fiancée. Au bazar de luxe viens rêver. Soyez les bienvenus, rêveurs ou désinvoltes. Approchez-vous et vivez l'instant. Ici c'est possible maintenant. Au bazar de luxe évidemment. Approchez, approchez. Ça a l'air sympa ici. Venez voir le spectacle. Ça se passe comment? Moi c'est la première fois que je viens. Je sais pas trop. On a tout ce qu'il te faut ici. Tout ce qu'il me faut par là-bas? Oui, par là-bas, vas-y. D'accord. Oh, très bien, bah, je me mets à l'aise. Bienvenue au bazar de luxe. Merci beaucoup. Yo! Viens dans le bar, bar, il n'est pas si tard, tard. Trompe sur le cigare, car mais ici prends garde, garde. Si t'enfreins les règles, tu sors d'art, d'art. Enfin l'ivresse, personne ne porte d'âme, d'âme. Comme Amsterdam, on vient pour les dames, d'âme. Et ça finit toujours en drame, tel le cerf qui prame. À la casa, je suis comme à la casa. Plus je bois et plus j'ai du mal à danser la rumba. Chiquita, tu vends ton pesant de peseta. Même si avec toi, je risque la vendetta. L'affaire d'état, car mes concurrents détalent. Attends-moi là, je m'occupe des détails. Oh, j'ai perdu mes rêves dans ce bazar de luxe. Oh, j'ai perdu ma tête dans ce bazar de luxe. Oh, j'ai trouvé ma reine dans ce bazar de luxe. N'oublie pas qu'ici, toujours la roulette russe. Soyez les bienvenus, concert et messieurs dames. Approchez-vous de notre cabaret. Ça va vous changer d'atmosphère. Au bazar de luxe, tu